بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل اليوم ما تبقى من سورة العلاقة. Aujourd'hui on va finir إن شاء الله تعالى les versets manquants ou les versets qu'il nous reste pour conclure la sourate Al-Alaq, inshallah ta'ala. Wa qad ra'ayna anna Allah tabaraka wa ta'ala bada'a bil-rifqi ma'a Abi Jahl. On a vu que Allah tabaraka wa ta'ala il a commencé avec Abu Jahl par la douceur. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى. Vois-tu celui qui interdit un serviteur lorsqu'il prie? أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى. Vois-tu si il était sur la guidée ou qu'il ordonnait la piété? فَذُكِّرَ أَبُو جَهْلٍ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ. Alors, le rappel a été fait à Abu Jahl, mais il n'en a pas profité. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit alors: Ara'aita in kadhaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Vois-tu, lorsque celui-ci a traité de mensonge et qu'il s'est détourné, ne sait-il pas que Allah le voit? فَكَذَّبَ بِرِسَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَوَلَّ عَنِ الْحَقِّ. Il a traité le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mensonge et il s'est détourné de la vérité. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كُلَّ شَيْءٍ. La tahfa alayhi khafiya. Ne sait-il pas que Allah voit toute chose? Que rien ne peut lui être caché, tabaraka wa ta'ala. Fayujazi ibadahu ala ma sadara minhum. Et qu'ensuite Allah tabaraka wa ta'ala rétribue ses serviteurs en fonction de leurs agissements. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: Kalla. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a. En réalité, s'il n'arrête pas, nous allons le saisir violemment par le toupet. Par le toupet, un toupet menteur et pécheur. فإن لم يترك إذاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه عن الصلاة لنأخذن بناصيته. Et donc s'il n'arrête pas de faire du tort au prophète صلى الله عليه وسلم et le fait de lui interdire la prière, nous allons le saisir par le toupet. فيحتمل أن يكون ذلك في الدنيا. Et donc, il est possible que ce qui soit voulu par ce verset, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala le saisisse ici-bas, fi dunya. Wa qad hasal. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Inna Allah tabaraka wa ta'ala akhadahu bi nasiyatihi. Allah tabaraka wa ta'ala l'a saisi par le toupet. Lamma kutila fi ghazwati badrin. Lorsque Abu Jahl fut tué durant la bataille de Badr. وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ. Et il est possible que dans ce verset, ce qui soit voulu, c'est qu'il soit saisi par le toupet dans l'au-delà. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. Les criminels seront reconnus par leurs signes distinctifs. Alors, on saisira les toupets et les pieds. On saisira les toupets et les pieds. Et donc, c'est-à-dire que les koufars, le koufar yam le qiyama, c'est yukhadoun bin nawasi wal aqdam wa yulqawna fi nari jahannam. Les incroyants durant donc Yawm al-Qiyama, au jour de la résurrection, ils seront saisis par le toupet et par les pieds et seront tirés violemment et jetés dans le feu. Et donc, les deux significations sont possibles pour l'interprétation de ce verset. Voilà pourquoi les savants comme Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit al-ma'nayani sahihan. Les deux significations sont correctes, inshallah ta'ala. Et lorsqu'il dit nasiyatin kadhibatin khati'a, un toupet menteur et pécheur, ay sahibu hadhihi nasiya, c'est-à-dire celui qui a ce toupet là, c'est-à-dire celui qui est traité de menteur ici, c'est Abu Jahl, c'est lui le menteur, c'est lui le pécheur. Wala shakka ayyuha al-ikhwa anna al-kuffara kadhibun yaj'aluna lillahi sharikan aw shuraka. Et il n'y a nul doute que les incroyants sont des menteurs. Ils accordent à Allah tabaraka wa ta'ala un ou plusieurs associés, que ce soit dans la royauté, que ce soit dans l'adoration. Ils adorent, ils accordent des associés à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad wasafahumullahu bil kadhibi. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala les a décrits par le mensonge. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Certes, ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah inventent des mensonges, et ceux-là, ce sont eux les menteurs. Ulaika humul kadhibun, ce sont eux les menteurs. Fanata'ajjabu min ikhwanina alladhina yaqbaluna akhbar al-kuffar duna tathabbutin wa yanqulunaha hakadha. Et donc on est surpris de voir nos frères qui acceptent les informations rapportées par les incroyants et qui les propagent comme ça sans vérification. Ces gens-là, ils mentent sur le Créateur, sur le Seigneur de l'univers. Comment pouvons-nous les croire à tout ce qu'ils disent comme ça? Il faut vérifier, il faut faire attention. Ces gens-là sont des menteurs. فأبو جهل خاطئ أي تعمد الإثم. Et donc Abu Jahl, il est khati, c'est un pécheur, il l'a fait de façon intentionnelle. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit فليدعو ناديا سندعو الزبانية, alors qu'il appelle son assemblée, nous allons appeler الزبانية. فلما استكبر أبو جهل واغتر بناديه قال تعالى فليدع ناديا. Lorsque Abu Jahl s'est empli d'orgueil et qu'il fut leurré par son assemblée, les gens qui étaient autour de lui, Allah tabaraka wa ta'ala a dit فليدع ناديا, qu'il appelle son assemblée, qu'il les appelle pour l'aider, pour le secourir. فهذا لن يغني عنه شيئا, cela ne lui servira à rien. لأن الله تبارك وتعالى يرسل عليه الزبانية, car Allah تبارك وتعالى va envoyer sur lui الزبانية وهم ملائكة النار. الزبانية, ce sont les anges du feu, les anges de l'enfer. الذين قال الله فيهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ce dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit les concernant, ghilazun shidad, ils sont rudes et durs. La ya'sun Allah ma amarahum, ils ne désobéissent pas aux ordres que Allah tabaraka wa ta'ala leur donne. Wa yaf'aluna ma yu'marun, et ils font ce qui leur a été ordonné. Ayyuha al-ikhwa, al-mar ahyanan in ra'a unasan يأتون من الصحراء تجد فيهم من القوة والغلظة. Lorsque tu vois des gens parfois qui viennent du désert, les régions sèches comme ça, tu vois en eux donc de la force, une dureté, ça se voit rien que sur leur apparence. Que dire Que dire de ces anges? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrit comme tels, rilev un shiden, rude et dur, les anges du feu, malaikatu jahannam. Fawasafahumullahu tabaraka wa ta'ala bi awsafin azima. Allah tabaraka wa ta'ala les a décrits, leur a, donc nous a cité les concernant des caractéristiques grandioses et énormes. La Bouddha anna ta'amala fi dhalik. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent pas à Allah quant à ce qu'il leur ordonne. Et ils font ce qui leur a été ordonné. بعض الناس قد يقول الجملتان بمعنى واحد. Certaines personnes peuvent dire les deux phrases, les deux versets ont le même sens. Là, ليس الأمر كذلك. La ya'suna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur ordonne. Hadha yadulluna ala tamami inqiyadihim lillahi tabaraka wa ta'ala. Cela nous montre leur soumission complète à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne désobéissent pas. Soumission complète. Al-amru thani. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et ils font ce qu'il leur est ordonné. هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ. Cela nous montre la capacité complète, la force. فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ لَا يَعْصِي اللَّهَ مَا أَمَرَهُ لَكِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ. L'individu peut ne pas désobéir aux ordres d'Allah. Mais il n'a pas la capacité de faire ce qui lui a été ordonné. Mithal. Man hajja fil am al madi. Qui a fait le hajj l'année dernière? Personne. Pourquoi tu n'as pas fait le hajj? C'était fermé. Ah, fermé. Est-ce qu'on a désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala? Non, on n'a pas désobéi. C'était fermé. On n'a pas désobéi, mais on n'avait pas la capacité de faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné. On n'avait pas la capacité. Tayyib, rajulun marid fi baytihi. Hal yuqal innahu 'asin li annahu lam ya'ti fi al-masjid? Un homme qui est malade chez lui. Est-ce qu'on va dire qu'il est pécheur, il a désobéi à Allah parce qu'il n'est pas venu à la mosquée? Non. Huwa lam ya'si Allah, il n'a pas désobéi à Allah, walakin la yaqdir 'ala al-ityan fi al-masjid. Cependant, il n'a pas la capacité de venir à la mosquée. Amma al-mala'ika فَلَا يَعْصُونَ اللَّهِ وَعِنْدَهُمُ الْقُدْرَ عَلَى فِعْلِ مَا أُمِرُوا بِهِ. En ce qui concerne les anges, donc non seulement ils ne désobéissent pas à Allah tabaraka wa ta'ala, mais en plus ils ont la capacité parfaite pour accomplir ce qui leur a été ordonné de faire. فَيَنْبَرِ عَلَى الْمَرْءٍ يَخَافِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِي هُوَ رَبُّ الْمَلَائِكَ. Et donc, Il convient aux serviteurs de craindre le fait de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des anges. ثم ختم الله هذه السورة. Ensuite Allah il a donc fini cette sourate et il a dit كلا لا تطيعه واسجد واقترب. Non, ne lui obéis pas. Prosterne-toi et rapproche-toi. Fais des actes qui te permettent de te rapprocher de ton Seigneur. فَنَهَا نَبِيَّهُ عَنْ طَاعَةِ هَذَا الْمُجْرِمِ وَأَمَرَهُ بِمَا فِيهِ طَاعَةٌ لِلْرَبِّ. Et donc il a interdit à son prophète d'obéir ce criminel et lui a ordonné d'accomplir ce qui contient une obéissance pour le Seigneur. وهذا فإن كان نازلا في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل فهو عام لكل من نهى المؤمنين عن فعل ما أمرهم الله به. Et ce verset, même s'il est descendu par la cause du prophète صلى الله عليه وسلم et de Abu Jahl, qui lui interdisait la prière, cela est général. Il englobe tous ceux qui empêchent et qui interdisent aux croyants de faire ce qui leur a été ordonné d'accomplir. وفي هذا أن المؤمن يتوكل على الله تبارك وتعالى ولا يعصيه لرضا أحد من الناس. Et donc, il y a aussi en cela le fait que le croyant, le musulman, il place sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et il ne lui désobéit pas pour satisfaire qui que ce soit parmi les gens. وفي هذه الآيات تذكير لإخواننا الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها من أجل الوظيفة خائفين على أموالهم. Il y a dans ces versets un rappel pour nos frères qui font sortir la prière de leur temps. Tout cela à cause d'une fonction, un travail, et qu'ils sont apeurés, qu'ils ont peur concernant leurs biens, leur argent. فننصح إخواننا بالتوكل على الله تبارك وتعالى وانظروا كيف عصم الله نبيه شر هذا الطاغية. Et donc, min charri hadha at-taghiya. Et nous conseillons à nos frères de placer leur confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala a protégé son prophète du mal de ce taghiya, ce grand transgresseur Abu Jahl. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: Ya ayyuha alladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ô vous qui avez eu la foi, si vous obéissez à un groupe de ceux à qui le livre a été donné, alors ils vous rendront après que vous ayez eu la foi, ils feront de vous des incroyants. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: Ya ayyuha alladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin balillahu mawlakum wa huwa khayrun nasirin. Ô vous qui avez cru, si vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils feront que vous allez vous retourner sur vos talons. Vous allez revenir en arrière et vous serez alors parmi les perdants. Balillahu mawlakum, mais c'est Allah qui est votre allié et c'est le meilleur des secoureurs. On doit mettre notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas normal que notre foi tremble comme cela pour de l'argent, des euros, des dollars. Tu vas retarder ta prière, faire sortir la prière de son temps, alors que ton Seigneur, celui qui t'a créé, celui qui a créé toute la terre, il t'a interdit de faire cela. Mais tu vas obéir à une de ses créatures pour de l'argent. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Et n'obéis pas aux incroyants. Et combat-les avec celui-ci d'un jihad kébir, d'un grand combat. Qu'est-ce qui est voulu par là? Qalatul ulama huwa al-jihadu bil-ilmi. C'est le combat par la science. Wa jahidhum bihi ay bil-Qur'an. Et donc, et combat-les avec celui-ci. Fa'anta yajibu alayka ya Abdallah. En tusharika fi hadha al-khair, il est obligatoire au serviteur d'Allah. Il t'incombe de participer à ce bien. Fi nashri al-islam, dans la propagation de l'islam. Hasba qudratik, en fonction de tes capacités. Wa la tuti' al-kafirin. Et n'obéis pas aux incroyants. On ne doit pas les obéir lorsqu'ils nous interdisent de faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos péchés et de nous secourir, de renforcer notre foi. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayra. Barakallahu fikum.